Jay, Zalia, MC Braco, Plaquen à la proie, DJ Kassahim Kao. Sont à terre et veulent viser la lune. Check, fais pas la bise, trace ta route sans rancune. Dans le rap, j'ai la dalle et j'prends place sur le terrain. Moi j'ai l'œil et j'me faufile comme un félin. Srap, j'rap, j'rap et j'ai des nouveaux potes. Rien que j'les chasse, ça coûte sa boîte. Des vidéos de schneck, j'en ai pas dans mon fun. Del bordel, toi tu sais, non, ce n'est pas la peine dans le son. En indé, j'suis né pour le bon, du rebond vers la réussite, échec, c'est bon. J'ai négligé le terrain pour le RAP. J'imagine pas mon avenir dans l'hostilité. Bon son, du MC Braco. Bon son, j'ai visé mes rivaux. Bon son, et j'vais serrer les accompos. Élégant même sans sarco. Bon son, du MC Braco. Bon son, j'ai visé mes rivaux. Bon son, et j'vais serrer les accompos. C'est free fight pour les agiles. La rime a découvert et j'bois la santé du rap. Toujours le poing serré et je pétine indésirable. Je zouk avec la basse en moi-même. Je fais des passes, poisse, donc je trace, trace, te casse. Si tu fais pas la passe, bon son. Le son qui met la pression. Et je tire profond, rien à foutre de tes lésions. C'est Hemi, tu transpires comme moi même. J'ai déserté la rue avec un micro et une baisse, c'est simple. Je fais le ramadan lyrical et je croque le micro au niveau des amygdales. Je suis mat de peau, mais je représente les Tunsi. Maroc, Algérie, Maghreb for life pour la vie. Bon son. Du MC Braco. Bon son, j'ai visé mes rivaux. Bon son, et j'vais serrer les accompos. Élégant même sans sarco. Bon son, du MC Braco. Bon son, j'ai visé mes rivaux. Bon son, et j'vais serrer les accompos. C'est free fight pour les assos. J'les boîtes et j'dois sans boîte la concurrence. Le hardcore est essoufflé par l'endurance. J'pense qu'à tes gras, fiancé avec l'offense. Et j'fonce vers la taille de ma défense. J'déboîte et j'dois sans watt la concurrence. Le hardcore est essoufflé par l'endurance. J'pense qu'à tes gras, fiancé avec l'offense. Et j'fonce vers la taille de ma défense. Braco pour Free Fight. Braco pour Free Fight. Braco pour Free Fight. Free fight, elle est quand même sans ta quoi.